Donc si vous voulez les frères, on va s'arrêter ici. Qul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Et on continuera inshallah la semaine prochaine.